Audiomatique. transmission 443 d'Audiomatique s'amorçait sur la musique de l'Exploding Star Orchestra, conduite par le compositeur Rob Mazurek. Du tout nouvel album intitulé Light Dreamers, nous écoutions la pièce Future Shaman. Et maintenant, c'est au tour du groupe australien George d'assurer la continuité à Audiomatique. Oh, Audiomatic, c'était la formation bulgare Irfan, de qui on entendait la pièce Salomé, qui est extraite de son premier album homonyme, qui est paru en 2003. Précédemment à Irfan, il s'agissait de l'artiste américaine Kevin Blackdom, de son premier album studio Bitches Without Britches, lancé en 2003, nous vous avons présenté sa chanson Bucktooth Rebound. Et pour débuter ce segment musical, nous avions droit au groupe australien George, qui nous offrait la pièce Cry, remixée ici par Cross D et Carlos F. On peut retrouver cette version sur le mini-album You Can't Take What's Mine, sorti en 1999. Et Audiomatic se poursuit sans attendre sur la musique de la formation Euroshima. We'll be right back. This is a crisis I knew had to come, destroying the balance I'd kept. Doubting, unsettling and turning around, wondering what will come next. Is this the role that you wanted to live? I was foolish to ask for so much. Without the protection and infancy's guard, it all falls apart at first touch. She was the apple of my eye. It wasn't long ago, gone out, been set free. Another mother, so you'd be poisoning me. Lying, smile. I see you slither away with a skin in your tail. Your flickering tongue and your rattling scales like a reel. Audiomatique, c'était The Church et la pièce Reptile de l'album Starfish sorti en 1988. Avant The Church, nous écoutions Joy Division et sa pièce Passover tirée du deuxième album Closer. Et on amorçait la séquence sur la musique de la formation argentine Hiroshima et la pièce Sonrisas Fabricadas, apparaissant sur l'unique album intitulé Gala et paru en 1987. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe canadien Cryptomnesia. avions droit à Audiomatic à la formation française, le Diktat, avec la pièce Room 101 tirée de son deuxième album Unabomber, paru en 2008. Tout juste avant le Diktat et ce qui amorçait par le fait même cette séquence, c'était le groupe canadien Cryptomnesia qui nous interprétait la pièce Metagnomie, qui fait partie de son premier album intitulé Hypnerotomachia et lancé en 2000. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la pièce Cajero Abandonado, issue d'une collaboration entre les projets San Ignacio et Biodread. Cette pièce apparaît sur la compilation Industria Tropical, publiée par l'étiquette Pacapi Records. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici, pour terminer, la collaboration entre les projets San Ignacio et Biodread, leur pièce Cajero Abandonado. C'était Audiomatique avec les sonoristes.